ce constateur. Ce que je dirais, c'est que la Bible, c'est un livre qui a été écrit depuis un certain nombre de siècles. La science, ce sont des connaissances qui évoluent au cours du temps. Ce qui était vérité hier n'est plus tout à fait vérité aujourd'hui, parce que les connaissances scientifiques évoluent au fur et à mesure. Bon, on parle du Big Bang. Oui, justement, on va y arriver. Le Big Bang, c'est une théorie qui a commencé à être émise à partir des années 40. Et on n'aurait jamais pensé à cette théorie avant, parce que cette théorie du Big Bang, la connaissance de la composition de l'atome, la découverte du neutron, date de 1932. Et c'est après la connaissance totale de la matière, enfin de l'atome, dans les années 30 jusqu'à 40, qu'on a pu inventer la bombe atomique. Avant, on n'aurait jamais pu l'imaginer. Et ce n'est que quand on a réussi à penser à la fusion nucléaire, que vous retrouvez, qu'on essaie de reproduire dans le projet ITER à Cadarache, que on a pu commencer à comprendre, toujours dans ces années 40, de quoi était fait le Soleil, comment fonctionnait le Soleil, oui, que le Soleil était une étoile, que ce n'était pas la plus grosse des étoiles, mais une petite étoile moyenne. Et tout ça, ça n'a rien à voir avec Dieu, à votre avis, avec la Bible. C'est-à-dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour ce qu'on connaît de l'univers, pour ce qu'on connaît des berceaux d'étoiles, de la naissance des étoiles, de la vie et de la mort des étoiles, on peut expliquer cela sans faire intervenir l'hypothèse d'un créateur. Donc, ça ne veut pas dire que nous savons tout. Donc, allez-y. Ça ne veut pas dire que nous savons tout. Bien entendu, on va se demander qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang. Donc le Big Bang tel qu'il a été créé, tel qu'il a été conçu, il y a d'autres idées qui ont été émises depuis, d'autres idées sur lesquelles on travaille. On a plusieurs pistes de travail, y compris une qui pense à l'éternité de l'univers, c'est-à-dire un univers stationnaire sans commencement ni fin. Mais on n'est pas arrivé encore au bout de la connaissance de l'univers. Nous sommes sur Guyane Première. Point d'interrogation.